Un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire toyota.fr. MMA Business Entreprise, exclusif. Avec la retraite Madelin MMA, en cas d'arrêt de travail, vos versements retraite sont pris en charge. Dans les conditions, limitées exclusion du contrat, disponible auprès de votre conseiller. France Inter, 17h. Les infos, Margot Delpierre. La relation diplomatique entre Paris et Moscou tourne au vinaigre. Vladimir Poutine a annulé sa visite en France, prévue de longue date. François Hollande, d'abord favorable à l'idée de recevoir son homologue russe à l'Elysée pour engager un dialogue sur la Syrie, a fait part de ses doutes ces derniers jours, évoquant les bombardements meurtriers du Kremlin sur la ville d'Alep. Le chef de file du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob, déplore l'amateurisme dont a fait preuve le président François Hollande. On est dans de la diplomatie d'opérette. On a l'impression de voir un adolescent qui fait part de ses états d'âme sur son compte Facebook. Il y a un président de la République qui aujourd'hui nous dit « je ne sais pas si je vais recevoir le président russe ou pas ». Enfin, c'est n'importe quoi. Au moment où on a besoin d'avoir des relations franches et directes avec la Russie, c'est invraisemblable d'avoir un président de la République qui soit, encore une fois, qui est versé dans cette diplomatie d'opérette. Il n'y a pas d'autre mot. La ligne de la France, elle est où? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On a un président de la République qui est totalement inaudible, inexistant sur la scène internationale, à un moment où je crois qu'il n'y a jamais eu autant de besoin de France. Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob. Pendant ce temps, à Alep, les bombardements russes ont tué au moins 12 civils. C'est la plus violente attaque depuis plusieurs jours. De son côté, le régime de Bachar el-Assad dénonce un tir de roquette rebelle sur une école primaire qui aurait fait 5 morts parmi les écoliers, selon les médias officiels. À quelques heures de la grande fête de Kippour, les autorités israéliennes ont bloqué les territoires palestiniens. La police est en état d'alerte à Jérusalem. Plus de 3000 policiers sont mobilisés. Tout est fait pour éviter un attentat. Des dizaines de milliers de fidèles sont attendus. Une semaine après le passage de l'ouragan Matthew en Haïti, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, envoie 1 million de doses de vaccins contre le choléra. Le nombre de cas augmente. L'accès à l'eau potable n'est toujours pas rétabli. Au moins 370 personnes ont perdu la vie pendant la tempête. Des voitures anti-caillassage et même parfois blindées dans les zones sensibles, des uniformes résistants au feu. Manuel Valls annonce plus de moyens pour la police. Le Premier ministre a pris des mesures suite à l'agression de 4 agents samedi dans l'Essonne à Viry-Châtillon. Ils ont été la cible de cocktails Molotov. Le pronostic vital de l'un d'eux est toujours engagé. En signe de solidarité, des rassemblements ont eu lieu ce midi devant plusieurs commissariats de l'Hexagone. À Marseille, par exemple, Olivier Martoc. Peu de policiers devant l'évêché, le commissariat central. La mobilisation n'était pas au rendez-vous malgré l'information de la nuit. 2 CRS marseillais blessés lors d'une intervention sur l'autoroute. Pour Bruno Bartosetti, du syndicat Unité SGP Police, majoritaire en zone sud et à l'origine du rassemblement, la peur doit maintenant changer de camp. C'est tous les jours et presque on va trouver banal une intervention comme celle-ci quand on va comparer justement malheureusement ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Quand on prend notre arme de service, on doit la prendre dans le cadre d'une légitime défense. Le policier, quand il a l'arme à la main, il a peur de s'en servir. Il a peur de se retrouver dans une situation délicate et de se retrouver devant un juge. Ça va très très vite, l'action est très rapide et à ce moment-là, il met sa vie en danger tout simplement parce qu'il a peur de ne pas être soutenu, d'être compris, d'être respecté dans son travail. La crainte doit effectivement changer de camp, ne plus être du côté des policiers parce que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Outre des renforts d'effectifs, la plupart des policiers présents réclamaient une révision de la notion juridique de légitime défense en off par devoir de réserve et peur de l'IGPN. Marseille, Olivier Martoc, France Inter. Ce projet ne ravit pas tout le monde, mais le gouvernement est resté ferme. La première salle de shoot ouvrira vendredi à Paris, dans l'hôpital Lariboisière. Elle est destinée aux toxicomanes majeurs uniquement. Ils pourront consommer de la drogue avec du matériel stérile, sous la surveillance du personnel médical. Le quartier de la Gare du Nord, derrière l'hôpital Lariboisière, est le plus touché par la drogue. L'autre grand projet de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, voit également le jour en ce moment. Les paquets de cigarettes neutres sont désormais disponible à la vente chez les buralistes. Des emballages verts, olive, sans logo et avec le nom de la marque écrit en plus petit. Le paquet neutre sera obligatoire au 1er janvier 2017. Pour aider le Bataclan à renaître de ses cendres, la région Île-de-France votera demain pour accorder plus de 280 000 euros à la salle de concert parisienne. C'est là que 90 personnes sont mortes il y a près d'un an, le 13 novembre dernier, pendant une attaque terroriste. Toutes les installations ont dû être changés, des murs au plafond. Cette somme représente 40% des dépenses totales engagées pour les travaux. Le Bataclan accueillera le 16 novembre des spectateurs pour la première fois depuis l'attentat. Ce sera à l'occasion d'un concert du Britannique Pete Doherty. Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Renault annonce 1000 recrutements supplémentaires en contrat à durée indéterminée d'ici à la fin de l'année. On n'en sait pas plus pour le moment. Et puis une mauvaise nouvelle chez Siemens à Grenoble cette fois. Le groupe industriel allemand supprime 106 postes à cause de la baisse des commandes. Le plan de sauvegarde de l'emploi devait être déclenché ce matin. Siemens compte un peu plus de 400 employés à Grenoble. La bourse de Paris, enfin, elle termine en petite baisse, Jean-Yves Courcial. Alors, il reste encore 30 minutes avant la clôture, mais le CAC 40 est effectivement dans le rouge et recule de 0,44% à 4477 points. Le marché n'a ni réagi à la hausse plus importante que prévue de l'indice mesurant la confiance des investisseurs allemands en octobre, ni au trimestriel décevant du géant américain de l'aluminium Alcoa. À New York, les indices sont également dans le rouge. Le Dow Jones cède 0,8% et le Nasdaq moins 1,01%. Et du côté des devises, l'euro s'échange contre $1,1061. Et en ce qui concerne les valeurs, la meilleure performance de l'indice revient à LVMH qui bondit de 4,9%, soutenue par la hausse meilleure que prévue de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Et dans son sillage, son concurrent Kering en profite et avance d'1,44%. En revanche, Airbus Group abandonne 2,5%. Faute de commandes suffisantes, l'avionneur européen a décidé de ralentir le rythme de production de l'A380. Je vous rappelle, le CAC 40, il recule pour l'instant de 0,44%. Il redescend à 4 477 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Very good trip, le voyage musical de France Inter. Mishka Assayas. Cette semaine, un programme autour du groupe américain Bon Iver. Consacré à des musiques envoûtantes qui mêlent des mélodies folk à des sonorités électroniques contemporaines et des harmonies très libres, souvent empruntées au jazz. Very good trip. À tout à l'heure. Sur France Inter, à partir de 21h. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé ? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix ? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir ? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur Visal.fr. Visal, tu dis ? Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec Visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Le Visal est un dispositif action logement soumis à condition à consulter sur le site Visal.fr. S'il vous plaît, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, toutes les entreprises doivent souscrire à une complémentaire santé. Je l'ai fait. Des questions ? Oui, Catherine ? À quoi a-t-on droit avec notre mutuelle ? Est-ce qu'on peut savoir où on en est dans nos remboursements, par exemple ? Ah, bonne question, Catherine. D'ailleurs, faut arrêter avec les bonnes questions. Hein. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Catherine aurait pu profiter d'une application de gestion personnalisée pour ses dépenses de santé. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. France Inter, il est 17h08, c'est l'heure de retrouver Charline Vanhoenacker pour Si tu écoutes, j'annule tout. Merci Margot Delpierre pour ces informations. Je rappelle qu'à presque 17h17, on va compléter votre journal, n'est-ce pas ? On va se permettre. Allez-y. Et en attendant, écoutez comment nous avons préparé cette émission. Bonjour les amis. Salut Charline. Alors je ne suis pas contente, mais alors pas contente du tout. Ouais, pas contente. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? C'est par rapport à l'émission d'hier ? Ah, tu m'as trouvé trop de gauche. Tu m'as trouvé trop de droite. Non, rien de tout ça. Mais c'est quoi alors ? C'est Patrick Cohen qui a regardé plus Léa Salamé que non, toi ce matin. Non plus, non, c'est François Hollande. Ah, mais ça t'es pas la seule. Non, mais non. François Hollande a annoncé à un journaliste qui n'était pas certain de vouloir rencontrer Poutine lors de sa venue à Paris. D'accord. Alors, mais j'ai même dit que j'irais en plus moi. Oui, ah bah Vladimir Poutine, il viendra pas en France. Non. Alors bah du coup, j'irai pas. J'étais accrédité en plus. Pourquoi ça t'énerve ? Que ce scoop là qui influence la géopolitique mondiale, c'est quel journaliste qu'il a eu ? Jean-Pierre Elkabbach. Bernard de la Villardière. Non, non, c'est Yann Barthès sur TMC dans Quotidien. Oh là là là, ça va gueuler, parce que nous, on n'a jamais de scoop. C'est pas vrai, parce que ma brève sur la tortue sodomite, je l'ai entendue nulle part ailleurs. Silence, déjà, c'est pas drôle. En plus, Guillaume, sur le terrain, là, au lieu de faire des conneries, il a demandé aux gens des trucs débiles. Non, mais moi, je voulais y aller, je voulais voir Poutine, moi. Ouais, ah bah là, c'est trop tard, mon petit père, à cause de Quotidien. Mais attends, voilà. En tout cas, ça doit lui faire bien plaisir à Yann Barthès de travailler avec des équipes compétentes. Non, mais ça suffit, merde. Non, mais qu'est-ce qui te dit que c'est à cause de Yann Barthès qu'il a annulé? Calme-toi. Moi, j'avais déjà annoncé ma venue à l'inauguration, figure-toi. Et ben voilà, je pense que Poutine, s'il est pas venu en France, c'est parce qu'il avait peur de répondre aux questions du grand Guillaume Meurice. Voilà. Pardon, Guillaume. Oui, pardon. Tu fais de l'excellent travail au quotidien. Et je ne veux plus entendre ce mot dans le bureau. Bonjour la France Inter dans l'apaisement. Bonjour à tous. Bonjour la France entière. Allez. Vous écoutez l'émission qui dit zut à Poutine. Et voici les trois informations qui vont ensuite partir en courant jusqu'à 18h. Oui, François Hollande avait justement du mal à se décider si accueillir Vladimir Poutine ou pas. Et Poutine a tranché, il ne viendra pas. J'ai l'impression d'avoir un peu perdu en poigne dernièrement. À partir d'aujourd'hui, je vais rugir. Je reçois qui là ? Poutine. Ah. La première salle de shoot ouvre vendredi à Paris. Un moyen d'encadrer la prise de drogue et de raccrocher les toxicos au système de soins en douceur. Monsieur désire-t-il une petite entrée ? Je peux lui proposer des amuse-gueules ? Non, merci. Je crois que je prendrai directement une injection intraveineuse de drogue dure. La propagande du parti de gauche innove. L'élue parisienne Danielle Simonnet joue un stand-up politique au théâtre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Moi, je suis accompagnée de celui qui est donc en train de se faire piquer son job par les élus. C'est Alex Vizorek. Oui, mais ils nous ont fait beaucoup gagner de l'argent aussi. Et autour de la table, une belle équipe. Belle équipe, 17h20. Il est beaucoup plus philosophe que Gilles Deleuze n'est un bon mélodiste. C'est André Manoukian, bonjour. Touchez pas mon idole, Alex. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mes Paro. C'est une jeune chanteuse française. Tiens, une chanteuse. Elle chante comme un oiseau. Et je me permettrai de vous soumettre un baptême indien, si vous le voulez bien. Ouh là là. Moi, je veux bien, André. Hein, 17h30, il partage avec Che Guevara une passion pour la révolution. En revanche, Ernesto était un grand golfeur. Guillaume Meurice, lui, n'aime pas le sport. Pour preuve, sa chronique du jour. Oui, bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Ben, je vais vous parler corrida, moi, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un sport. Si, d'accord, ok. Pour le taureau, pour le torero, je ne sais pas. Mais il y avait un grand colloque qui avait lieu au Sénat. J'ai donc appelé des participants. Nous, on donne la mort parce qu'on tue ce qu'on aime. Voilà, donc on salue la famille de tous les pro-corrida. Et enfin, 17h40, il met dans ses chroniques toutes les bonnes vannes que Jacques Audiard lui refuse dans ses scénario. C'est pour ça qu'il est aussi drôle. C'est Thomas Bidguin, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept un peu lourd, la suspension volontaire d'incrédulité. Et après, on ira faire une sieste. En attendant, je vous rappelle que Si tu écoutes, j'annule tout est présent dans un monde virtuel annulé. Vous êtes diplômé d'une école de commerce et vous avez entamé une carrière dans le marketing, ce qui vous destinait à une belle carrière de petit con. Mais vous vous ressaisissez ensuite même, et abandonner votre poste à la régie publicitaire de Énergie pour écrire et faire de la scène. Vous avez tellement bien fait. Vous êtes Régis Maillot. Ouais, c'est lui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Le Régis Maillot qu'on peut entendre... J'annule tout. Le Régis Maillot qu'on peut entendre sur RTL, parce que vous avez le mauvais goût d'y être. Ou sur Paris Première pour la revue de presse. Et il y a aussi ce spectacle qui est votre troisième spectacle qui s'appelle Citoyen. On pourra vous voir, tiens, par exemple, du 10 au 12 novembre à Aix-en-Provence, le 20 novembre à Arras et le 29 à l'Alhambra à Paris. Ouais. Alex Vizorek, qui connaît bien votre travail. Mais oui, d'abord, remercier Régis qui avait été notre premier invité après les attentats de Charlie. Merci à vous et on voulait vous avoir comme invité dans des circonstances plus apaisées comme aujourd'hui. Première question que tout France Inter se pose. Évidemment. Évidemment. Maillot. Évidemment. Allez-y. Comment va Stéphane Bern? Écoutez, je vais très bien. Je suis très content d'arriver dans chez les Sandans. Comment vous allez-vous? Comment allez-vous? Pas mal. Il vous a pris. C'est formidable. Oh là là, je me rappelle tellement de cet endroit. Il vous a pris dans ses valises. Il m'a pris que dans ses valises. Soyons. Oui. J'aimerais qu'on ponctue un petit peu les phrases. Après le fou du roi. Évidemment. On est là surtout pour parler de ce spectacle. Ouais. Est-ce que je peux dire que vous êtes un chansonnier contemporain? C'est-à-dire que le fisc n'aurait pas pu avoir Anne-Marie Carrière et Gaspard Proust. Oui, ouais, chansonnier, le problème de ce mot, c'est qu'il renvoie à côté un peu ringard, populiste, etc. Je suis un humoriste qui traite, comme vous, de l'actualité, de la société et la politique à l'occasion également. C'est ça, votre core business, c'est quand même la politique. Mon core business. Ouais. Putain, j'ai quitté le marketing il y a un moment. Je me suis dit que vous alliez tout à fait comprendre ce que je vous posais comme question. C'est-à-dire que le matin, comme nous, vous ouvrez le journal et vous vous dites ça et ça, je vais rajouter parce que sinon je vais être, comment dire, plus à la page. Non, je n'ouvre plus les journaux, je suis pour la fin de la presse papier. Ça soit clair. On n'avait pas ça comme sujet aujourd'hui, comme thématique. C'est une matière vivante, c'est-à-dire que votre spectacle s'appelle Citoyen, comment vous vous emparez de l'actualité, de la politique, de la société, c'est une matière en ébullition. C'est une matière, oui, on travaille sur l'écume, mais c'est un spectacle qui est quand même très intemporel, parce que je l'ai voulu comme ça, sur des thèmes forts, du moralisme, du symbolisme, d'une époque un peu difficile, et à la fin, je fais une grande revue de presse d'une demi-heure que là j'actualise chaque soir. Et vous brocardez de tous les côtés, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop à vous situer. Vous brocardez assez facilement la droite, bien évidemment, ça, on voit trop un peu ce que ça donne. Et vous brocardez aussi Nuit debout s'il le faut. Oui, il y a pas de vache sacrée, c'est-à-dire à un moment, c'est l'humoriste engagé, je trouve ça un concept un petit peu péremptoire, je milite pour... Alors là, c'est pas nous, c'est pas ici que ça arrive. Je milite pour le dégagement, comme disait, tu sais, il y a pas... Le pluralisme dans le rire, c'est important, Nuit debout, effectivement, oui, j'y suis allé à Nuit debout, voir, c'était un peu plus la gauche qui l'isola que celle qui vit à la Germinale, et on entendait c'était 1789, version bio, on entendait le peuple grondé, le peuple a faim, on veut du pain, oui, mais sans gluten. Donc là, c'était formidable. Et donc, vous avez tout le monde sur votre dos, quoi. Oui, ah oui, c'est ça, j'ai beaucoup de courriers, beaucoup de leaks. Tout le monde a sa petite coterie, sa petite communauté à défendre, ce qui fait que dans la même semaine, je peux être taxé de bobo islamophile, le lendemain de bras armés du MEDEF, de catho décomplexé, d'islamo machin, etc. Quand la semaine s'est terminée et que j'ai eu tous ces griefs sur le dos, je me suis dit... J'ai bien fait mon boulot. On voit ce que c'est. Régis Maillot, vous pouvez aller voir sur scène, donc notamment à Aix-en-Provence et à Arras. Ça, c'est la France dans 8. Ah, oui, traversée au mois de novembre et le 29 novembre à la Lambra. Du panier en osier. Exactement, le petit panier en osier. Avec des œufs frais dedans, comme dit Nicolas Sarkozy. Et sur votre spectacle, Régis Maillot s'appelle Citoyen. This generation rules the nation with version. Music and simple food of love. Songs to really make you rub and scrub. Slam ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang ba dang. I say, pass the Dutchie pan the left hand side. Pass the Dutchie pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and run. It a go done. Give me the music, make me jump and run. Because a cool and lonely breezy afternoon. It was the month of June. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them say, how does it feel when you got no food? Pass the Dutchie pan the left hand side. I say, pass the Dutchie pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prom. It a go done. Give me the music, make me look in. Session was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the Dutchie on the left hand side. I said, pass the Dutchie. chip on the left hand side, it a go fun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me rock in a jam. Me say listen to the drum, and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. Me say listen to the drum, and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. I say pass the dough chip on the left hand side. I say pass the dough chip on the left hand side, it a go fun. Give me chip on the left hand side. I say, pass the dough chip on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me rock in a di dum. On the left hand side. I say, on the left hand side. I say, on the left hand side. Pass the Dutchie, et yes, c'est... Et c'est la musical youth. Musical youth, pour avec ceux qui veulent le dire exactement. Ouais, allez, mélange. Faites tourner ici, fumez, c'est du belge, vous êtes sur France Inter. Yes. Ça range pas. Dans Annule Tout, en compagnie de Régis Maillot. Oui. De retour sur Inter, Régis oui, Maillot. Enfin. Et autour de la table, eh bien, Bidguin, le Jamaïcain, yes. L'Arménien, André Manoukian, et l'international, le guévariste. Et nous allons faire une petite revue de presse devant l'un des maîtres du genre. Il va lever la pression son pouce sous la devant, ouais. Devant Régis Maillot, c'est parti. Vous allez en prendre plein la gueule. Si on veut pas d'ennui, il vaut mieux pas avoir été président de la République. Le journal de presque 17h17. Ils vont vous écrabouiller. Pas non plus caricaturesque d'une campagne électorale. Voici les titres. Alain Juppé a déclaré, en matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir. Et bim, à force de traîner avec les jeunes, il finit par avoir des punchlines de rappeur, Juppé. Coup dur pour Samsung, oui, contraint d'arrêter les ventes de son Galaxy Note 7. Et oui, Apple, c'est la pomme, et pourtant c'est Samsung qui a les pépins. Est-ce qu'il y aura des brèves? Oh, oui, c'est bien écrit, hein, Bidga. Oh là, jalousie, deux brèves sur deux personnes âgées. Super. Alain Juppé a donc taclé Nicolas Sarkozy. Vous savez, en matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir. Et Bruno Le Maire, de surenchérir Bruno Le Maire, je pense que c'est encore mieux de n'avoir ni passé ni avenir. C'est là qu'on regrette que Claude Guéant ne soit pas candidat. Ah bon ? Il aurait pu la faire, le mieux c'est d'avoir et un passé et un avenir judiciaire. Primaire à gauche, oui. À présent, Arnaud Montebourg l'a dit, si Hollande gagne, je me tairai. Ah, c'est le premier argument là, qui me pousse un peu à voter Hollande. Santé, à présent, Marisol Touraine s'attaque au sevrage tabagique. Si vous voulez arrêter de fumer, elle vous promet un forfait annuel de 150 euros. 150 euros, ça fait 21 paquets de cigarettes que vous pourrez vous acheter. Santé toujours avec un test de l'association Génération Future qui révèle que la plupart des muesli non bio que l'on trouve dans le commerce contiennent des pesticides. Ce qu'on appelle les céréal killers. Bon, Régis Maillot, vous pouvez toujours vous pouvez partir. Invalider. Vous êtes impressionné, voilà. Vous êtes impressionné. Ah, bah, écoutez, là, c'est un peu le plus beau jour de ma vie. En tout cas, sachez que Nicolas Sarkozy a immédiatement appelé à un grand référendum pour ou contre les mousselines. Ah, alors, on progresse. Venons-en à cette affaire. Oui. Samsung a annoncé qu'il stoppait définitivement les ventes de son smartphone, le Galaxy Note 7. Et oui, on pensait que c'était la Corée du Nord qui était dangereuse. Et en fait, non, c'est la Corée du Sud qui est dangereuse. Le smartphone ayant une fâcheuse tendance à exploser. Donc. Et oui, c'est ce qu'on appelle chez Al-Qaïda le mode avion. Justice à présent dans le Val-de-Marne. Trois jeunes ont mis en ligne un clip de rap dans lequel on les voit visage découvert mais arme à la main. Ce qui a permis aux policiers de finaliser leur identification après une série de braquages. Ah oui, ça c'est pas malin. Oui. Oui, si l'intelligence était contagieuse avec leur ADN, on trouverait des vaccins. En sport maintenant, l'équipe de France de football a battu hier soir les Pays-Bas et ramène donc 3 points de ce déplacement. Mais oui, c'est rare. Hein. D'habitude, quand les jeunes Français reviennent d'Amsterdam, ils ramènent 3 grammes. Et c'est la Belgique aussi, on l'a gagné. Ah bon, contre qui? Gibraltar, on a gagné. Quand même. Christian Benteke a marqué le but le plus rapide de l'histoire des qualifications en Coupe du Monde. 7 secondes. 7 secondes. Oui, même Mathieu Balbuena dans sa sextape n'a pas fait aussi vite. Fait divers à présent. Oui, Lille, refoulé d'un bar, il fonce dessus en voiture. Et c'est cohérent parce que boire ou conduire, il faut choisir. C'est pas des brefs déjà, ça? Non, c'était fait divers. Ouais, c'est ça, ouais. Les brefs, c'est mélange, les glisses. D'accord. Cyclisme, 2 points. Oui. À 86 ans, un Breton a battu le record du monde de l'heure dans la catégorie 85-89 ans. Et oui, pour réussir cet exploit, l'octogénaire s'est astreint un rythme de vie très sain. Oui, durant 3 mois, pas d'excès de nourriture et pas d'alcool. Exceptionnel. Un vieux Breton qui ne touche pas une goutte d'alcool pendant 3 mois, chapeau. Et la dernière? Oui, le doyen de l'humanité fête sa bar mitzvah à 113 ans. Bah, génial, félicitations. Ah, c'est malin surtout, hein. C'est mieux aujourd'hui qu'en 38. Oh. Oui, petit point Godwin, 24. Régis Maillot. Mieux que hier. Ouais. Régis Maillot est avec nous. Oui. Mais je suis entourée que de garçons. Oh là là, c'est vrai. Ouais. Régis Maillot, vous pouvez aller voir au mois de novembre ou à Aix-en-Provence ou à Arras, vous avez le choix, ou entre les deux, à Paris. Voilà. Alors, on va aborder le premier sujet avec vous. François Hollande hésitait à recevoir Vladimir Poutine. Il s'en était ouvert, comme ça, spontanément, à un journaliste envoyé à Tulle par Yann Barthez. Poutine a tranché ce matin, il ne viendra pas. Bon, l'histoire retiendra peut-être que le destin du monde a basculé à Tulle. Hein. En tout cas, ce matin, le Kremlin a fait savoir à l'Élysée qu'il pouvait se brosser. Donc. Je suis navré aussi, Dimitri. Tout à fait navré. Bon, entendu, vous êtes plus navré que moi. Mais je suis navré quand même. Réellement, je suis aussi navré que vous, Dimitri. Ne dites pas que vous êtes plus navré que moi, parce que je suis parfaitement capable d'être aussi navré que vous. Nous sommes tous les deux navrés, d'accord? D'accord. Docteur Follamour. Bien joué. Exactement. André Manoukian. Voilà, Vladimir Poutine devait donc venir à Paris la semaine prochaine en visite privée et notamment pour inaugurer la cathédrale orthodoxe à Paris. Mais François Hollande voulait le voir pour parler de la Syrie. Ah. Hollande qui a déclaré au micro de l'émission Quotidien sur TMC, je vais vous le citer, hein, « Je vais recevoir sans doute Vladimir Poutine, mais je me suis posé la question, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça peut être une pression ?» et tout ça donc devant le micro d'une émission qui est une émission d'infotainment un peu comme chez nous, quoi, avec une part d'actualité bien sûr, mais la manière dont ça se fait où François Hollande est quasiment en introspection et se pose ses questions quand même hautement délicates. Si la diplomatie française se joue à touche pas à mon poste, c'est formidable. Hein, c'est un peu l'impression que ça vous donne. Ah, c'est un peu ça quand même. Ouais. Au micro ouvert, c'est pas un interview, c'est pas vraiment un journaliste. C'est un peu particulier quand même. Quand même, on voit qu'il sait où il est. Quoi. Oui. Oui. Mais justement, alors, autre c'est question. Bien. Est-ce que c'est bien qu'il sache où il est. C'est un peu rassurant parce qu'il lui reste quand même 8 mois de mandat. Donc, c'est bien qu'il sache. Il ne sait pas d'où il part. Il se situe. Mais à contrario, c'est aussi cette émission Quotidien qui a fait le job. Parce qu'on n'avait pas posé cette question, semble-t-il, avant à François Hollande, où il n'avait pas répondu. Et il répond quand même à une question fondamentale. C'est-à-dire, dans le dossier syrien, on est à deux doigts de la guerre, de la troisième guerre mondiale. Est-ce que c'est pas tout simplement un coup de com', quoi? Est-ce que c'est pas calculé de la part de Hollande aussi de le faire passer comme ça en 12 plutôt que de faire une grosse déclaration? C'est un coup de billard à trois bandes. Vous pensez que ça se fait encore aujourd'hui? Connaissant le personnage, ça se fait encore. Non, pas la com', mais de penser que ça va passer comme ça entre les gouttes, parce que c'est quand même une émission où il y a plus d'un million de téléspectateurs. Mais il peut pas ça, Claude, il regarde TMC. Parce qu'il y a Poutine, il est tranquillement en train de regarder TMC, et hop, il tombe, il dit bon, ça y est, la diplomatie française est à la rue, il faut quelque chose. Régis Maillot, vous qui vous emparez de la politique et de l'actualité, dans les rapports de force avec la Russie, on est toujours assez tenté de se moquer un peu de la diplomatie française. Et pourtant, on ne peut pas soupçonner François Hollande de ne pas être impliqué dans ce dossier, de ne pas vouloir une résolution. Par exemple, dans Le Monde, paru aujourd'hui, il y a un titre qui dit « Paris hausse le ton ». Et à chaque fois, on a presque envie de ricaner. Et les humoristes et les chansonniers en ricanent. Pourquoi ça semble peu crédible, ce rapport de force avec la Russie et la France qui essaye de peser dans le dossier? Non, mais c'est plutôt le côté com. On se souvient quand il avait dit « Je veux bouter Bachar al-Assad de Syrie », l'autre, il était en train de rire derrière Alep, là, en train de prendre sa petite douche. Je crois que tout ça, c'est vraiment du, c'est de la politique et la petite semaine dont on veut vraiment plus, quoi. Je crois qu'un type comme comme Poutine, on a un peu rien à faire des petites phrases lancées par par tel ou tel président. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste de géopolitique. Poutine s'en bat les steaks, ça on sait. Mais, comment vous appréhendez le côté comique de cette situation? Comment vous bossez ça? Parce qu'il y a aussi Hérault, qui est comme un personnage comique. Jean-Marc Hérault, ouais. Qui est formidable, hein, il est comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, tu sens qu'il n'y a pas grand-chose qui peut décoller dessus. Quoi. Sujet, oui, mais finalement c'est un peu la seule prise comique, entre guillemets, parce que le sujet est lourd et douloureux. Quand même. Bah, le sujet est lourd et douloureux, parce que derrière c'est la Syrie, qui est quand même, comme son nom l'indique, un pays à la découpe. Très mauvais jeu de mots, mais que j'assume étonnamment. Oui, il y a des enjeux, mais est-ce qu'on les maîtrise vraiment? Puis encore mais une fois. Non, mais on est un tout petit pays par rapport aux. Oui. Comme le disait Sarkozy, on est des Gaulois. C'est un tout petit pays. C'est un tout petit pays. André Manoukian, oui, loin de tout ce tumulte et de fracas du monde. Puisque la paix viendra des musiciens, encore une fois. Ah bon? Que je suis pour qu'il y ait un examen de solfège à l'Assemblée nationale. À tous ceux qui n'ont pas d'oreilles, dehors, les gars. Non, puisque gouverner, c'est. C'est prévoir. Non, c'est écouter la voix différente de l'autre. La démocratie, c'est quoi? C'est j'écoute une voix qui est différente de la mienne. Ne me touchez pas. Et malgré tout, je chante et nous accordons nos voix qui sont différentes et ça produit un beau cœur. Revenons à notre chanteuse. Elle s'appelle Mesparo. Elle est née à Tours. Elle s'appelle Marion Gaume, en fait de son vrai nom. Et elle sort son nouvel album cette semaine, mais pour la première fois, elle chante en français. Et ça, c'est un petit événement. Pourquoi? Parce que déjà pas qu'elle c'est difficile. C'est vrai. C'est difficile elle, de groover deux en français. Deux informations, une phrase. Les gars. Voilà. Quelqu'un aurait chanté en français « Aime-moi, aime-moi, tu sais que je t'aime, je serai toujours honnête, s'il te plaît, aime-moi ou aime-moi, franchement. » L'escarabée. Vous lui mettez, voilà, zéro. « Love, love me do, you know I love you », tout de suite ça sonne, quoi. Ça sonnait tellement qu'il y avait même des rigoles de pipi quand les Beatles y chantaient. Je vous jure, les petites filles ne se tenaient plus. Mais ça, je le tiens, des guitaristes des Who qui a écrit un bouquin là-dessus. Mais je m'égare. Quelle belle Mesparo digression. Mesparo chante en français. En plus du français, elle utilise une langue mystère. On pense à Laurie Anderson, on pense à Camille, on pense à des sorcières, que dis-je, à des chamanes. Le chaman au féminin, c'est chamanou. Son nom, Mesparo, ça veut dire Miss Moineau. Et selon Démocrite, en fait, la musique a été enseignée aux hommes par les animaux. Je vous ai déjà parlé ici des harengs péteurs, des éléphants qui avaient des capteurs de basse dans leurs pattes, des orang-outans qui donnent rendez-vous à leur fiancée par la voix. Et en fait, les chanteurs sont un peu en avance d'une guerre par rapport à ça. Prendre un totem animal, c'est un vieil archétype. Est-ce que vous voulez bien qu'on joue au baptême indien, Charline? Oui. Alors, un animal qui vous plaît, ou un végétal, ou un minéral. Vous Moi, choisissez j'aime tout de suite. Koala. Le koala. Une qualité que vous avez. Arrêtez. Une qualité que vous possédez, ou que vous rêveriez d'acquérir, Charline. Une qualité. André, on est à l'antenne là, André. Oui, je sais. Je sais pas, j'aimerais être intelligente. Alors, vous êtes donc koala intelligent. Voilà, c'est d'accord. Ça le baptême indien, c'est-à-dire. Ah, c'est pas bien compliqué comme jeu. Ah. Se situons. C'est en crèche, c'est en deuxième année de crèche. Moi, tigre pris à pic. Donc, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait, c'est que non seulement elle chante, mais elle siffle aussi. Elle empile ses voix avec un looper. Et le sifflet, il y en a un autre qui faisait ça aussi, c'était Féloche. Vous savez que dans ces temps, voilà, dans cette île des Canaries, ça s'appelle le Gomero. Oui, exactement. La Gomera. Oui, ne pas confondre avec Gonoré. Pardon, je ne sais plus ce que je dis. Pardon, Charline, avec l'île de Gorée, vous voulez dire. C'est ça, voilà, exactement. D'accord, je ne comprends plus rien. Siffler, en fait, c'est... C'est de cette technique qu'ils avaient déployée pour signaler dans un premier temps. Venez les à ennemis. Jeun la prochaine fois. André, monsieur. C'est quoi votre animal? Non, mais c'est la salle de shoot, fallait pas la tester avant, c'était le thème. Mais ils bossent, les gars. Donc, elle siffle en chantant, ça veut dire quoi? Qu'elle utilise le langage de la nature. À ce stade-là, son album s'appelle Jungle contemporaine. Ah. Elle a une musicalité incroyable dans son art d'empiler les sons. Et encore une fois, le fait qu'elle ait pris la langue de Molière pour nous servir cette musique critique formidable. Et ben moi, je dis chapeau, ça veut dire qu'on est en train de s'en sortir. Il n'y avait qu'une Camille qui était sur ce registre-là. Les filles, aujourd'hui, sont toutes avec l'électronique, sont toutes avec la voix, sont à la fois avec le charme et sont à la fois avec la technologie. Comme Christine and the Queens. Exact. Non, pas pareil que Christine and the Queens. Bon. Donc, la chanson qu'on va écouter maintenant, ça s'appelle « Les écrans ». Marche-t-il à l'envers, ou est-ce moi qui compte à rebours? De quoi se fait ces fous? Des girouettes en trombone, leurs lèvres se dédoublent sous le papier carbone. J'ai peur quand ils rient, je pleure quand ils jubilent, et la sueur sur le front m'effraie. J'éteins les écrans. Qui chante Les Écrans, chanteuse qui vient de Tours. Exactement, et son album Jungle Contemporaine sortira le 14 octobre. Et quelle excuse koala intelligente. Cette chronique était un peu plus décousue que d'habitude. Oui, mais... Alex Bizor, est-ce qu'il y a des réactions sur Twitter? Eh bien à la oui, les gens se posent des questions. Hein. Carly et Lou nous tweet, je ne sais pas si c'est la pire ou la meilleure chronique d'André Malouka, j'ai écouté. Et David nous tweet, ouvrez les guillemets, moi j'aime le koala, fermez les guillemets, Charline Van Nunaker, 11 octobre 2016. Je pense que c'est une citation à retenir. Il se dit des choses dans cette émission, Régis Maillot, notre invité. Je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle qui s'intitule Citoyen. En voilà un qu'il est à de multiples égards, citoyen. Trop presque, oui, trop. Ah oui. Avant d'entendre la chronique de Thomas Bideguin et quelques sujets d'actualité, il y a Guillaume Meurice. Eh bien moi je vais vous parler un peu de ma famille aujourd'hui. Oh. Oui, je vous parle de mon intimité, hein, c'est un petit peu impudique. Ah. Mais j'ai vu l'émission de Karine Lemarchand, hein, donc je sais qu'une bonne coloscopie peut faire de l'audience, donc allons-y. Merveilleux. Alors moi j'irai pas jusque-là, mais je vais vous parler de mon filleul. Il pèse 800 kilos mon filleul, mais ce n'est pas Gérard Depardieu, attention. Voilà. Sa consommation d'herbe peut atteindre 80 kilos par jour, mais ce n'est pas Doc Gynéco, attention. Il a des cornes, mais ce n'est pas la femme d'André Manoukian, attention. Non, il s'appelle Fadjine, c'est un taureau sauvé de la corrida il y a 6 ans, et justement mon filleul il pige pas trop le principe de la corrida. J'ai du mal à lui expliquer ça. Coup de bol, au Sénat, la semaine dernière, avait lieu un grand colloque pro-corrida avec psychiatres, agrégés de lettres, philosophes et anthropologues. Tiens, par exemple, monsieur Somad, que j'ai contacté, pourquoi la corrida, c'est bien. La confrontation à un animal qui menace l'homme de mort a certainement quelque chose qui... Il faut dire, moi j'essaie d'être objectif là, monsieur. Mais attendez, parce qu'en étant tout à fait objectif, on a plutôt l'impression que c'est l'homme qui menace l'animal de mort, non? Non, alors attendez, l'homme ne menace pas l'animal de mort. L'homme, a le, dans la corrida espagnole, a le devoir, c'est son métier, de le dominer, de le mettre à mort. Ah ben voilà, oui, donc c'est plutôt menaçant. Non mais essayez de ne pas polémiquer, monsieur. Non, on se calme. Non, moi je ne cherche pas la polémique. Alors moi, il me faut quelqu'un de calme, il me faut quelqu'un de confiance, même de couche confiance. Tiens, allons-y, j'ai choisi un sénateur. J'ai contacté Jean-Jacques Lasserre, il est sénateur des Pyrénées-Atlantiques. Il a d'abord tenté un parallèle. On autorise les combats de boxe. Il y a des fois des morts d'hommes dans les combats de boxe. Vous pensez qu'on est dans le bien-être des hommes? Mais peut-être qu'ils sont consentants, les deux êtres humains, alors que peut-être que le taureau ne l'est pas. Oui, d'accord, évidemment. On peut toujours trouver, évidemment. Ah, mais évidemment, hein, c'est pas le taureau qui organise sa mise à mort, hein, ni celle d'un humain. Je rappelle que le taureau est simplement un ongulé. Alors parfois, c'est un gros ongulé. Je fais deux jeux de mots pour notre public naturaliste. Mais il n'est pas sadique, le taureau. Mais Jean-Jacques, ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé de bien-être. Alors, est-ce qu'il se préoccupe, lui, du bien-être animal? Bien sûr, il faut quand même rechercher le bien-être animal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, mais c'est compliqué de concilier les deux quand même, le bien-être animal et lui enfoncer des aiguilles. Est-ce que la vie n'est pas compliquée? Oui, c'est un bon argument. C'est le même que quand on demande au sénateur si c'est pas compliqué de se dire au service du peuple et de passer ses séances à pioncer dans l'hémicycle tout en rotant son risotto aux truffes. C'est compliqué comme la corrida. C'est pour ça que Fadji n'y piche pas bien. Alors j'ai contacté un agrégé de lettres classiques. Alors lui, il allait savoir trouver les mots, c'est sûr. François Zumbiel, notamment sur cette question, pourquoi on ne fout pas la paix aux animaux? Un microbe, c'est un animal, alors il faut laisser les bactéries tranquilles et vivre, et surtout ne pas les agresser. Ah bah, un microbe, c'est un animal pour vous? Ah bah, une bactérie, c'est un animal, oui, pourquoi? C'est pas un animal, une bactérie? Est-ce qu'on peut imaginer des corridas de bactéries, peut-être? Je ne crois pas, non. Ah bah, pourquoi pas, à ce moment-là, moi je dis, ça serait quand même marrant. Moi, je suis un peu malade aujourd'hui, vous l'entendez, moi je serais quand même ravi d'avoir des petits toreros dans mon corps, comme ça, qui piquent les bactéries. Bon, alors après, soyons précis, une bactérie ne fait pas partie du règne animal, mais c'est pas sa spécialité, hein, François, ça. Pourtant, il sait qu'à la base, un taureau n'est qu'un herbivore pacifique. Oui, mais c'est en même temps un fauve, parce qu'il a été... Le taureau, c'est un fauve? Le taureau est d'une certaine manière un fauve. Il est d'une certaine manière. Il est un peu un fauve quand même. Bien sûr. Oui, alors c'est pas sa spécialité, hein, le règne animal, hein, François, je le rappelle. Ceci dit, contre un tigre du Bengale, je donne pas cher des oreilles et de la queue du torero. Alors après, il y a le côté fauve du taureau, quand on dit dans le sens agressif du terme, quand il a peur, bien sûr. Alors ça, c'est comme tout être vivant qui cherche à se protéger. Moi, je connais par exemple un chroniqueur du Grand Journal. Bon, bah, il le fait pas pour la qualité des programmes, mais c'est parce qu'il a peur, le gars, de pas subvenir à ses besoins et à ses 43 pensions alimentaires. Le gars a peur de mourir dans l'oubli, ça c'est naturel. Et lui, François, le jour où il devra mourir? Le jour où je devrais mourir, je préférerais ne pas mourir à petit feu, mais comme un taureau, si c'était possible. Oui, c'est vrai? Je serais... Ah oui. Mais alors, pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous n'organisez pas un spectacle à la fin de votre vie où vous vous mettez face à un torero et il vous pique dans le cou? Je veux bien si j'ai la force d'un taureau brave, oui. Oh, mais tu l'auras, la force d'un taureau brave, mon cher François. Et on a hâte de te voir gambader à poil dans une arène, à foncer sur un mec déguisé en danseuse du Crazy Horse Discount qui agite un tapis Saint-Maclou. En attendant, concluons avec François sur le sort du taureau. S'il n'était pas dans une corrida, il serait envoyé à l'abattoir et probablement 2 ans ou 3 ans plus tôt. Bon, mais peut-être qu'on peut le laisser juste dans sa prairie. Vous connaissez-vous des bovins qu'on laisse comme ça jusqu'à perpète dans une prairie? Vous en connaissez beaucoup? Oui, j'en connais, moi. Ah bon? Oui. Ah bah écoutez, bravo, vous avez beaucoup de chance. Eh ben voilà, je sais que j'ai de la chance d'avoir fait Jim comme filleul. Je sais que lui aussi, il a de la chance, hein, contrairement aux centaines de ses congénères sacrifiés tous les ans, qui nous rappellent la devise de la société capitaliste. Si tu veux être sûr de perdre à un jeu, joue avec celui qui a inventé les règles. Merci Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, un humoriste plein d'avenir, qui jouera hier, samedi. Oh, chapeau. C'est joli. C'est bon. Près de Toulon, c'est ça? C'est vrai, c'est à côté de Toulon, voilà. Exactement. Et là-bas, il est 17h42, comme à Paris d'ailleurs. Et nous sommes en compagnie de Régis Maillot, que vous pouvez entendre sur RTL, que vous pouvez voir sur Paris Première, mais oui, et surtout en tournée avec son spectacle Citoyen. Oui. Et on va aborder le deuxième sujet, un projet qui remonte à 98. Ben, l'année 98, à vous rappeler. Ouais. Mais il aura l'année fallu... des... Des 35 heures. Oui, c'est voilà, ça. C'est exactement. Ça, il faut le rappeler. Il aura fallu 18 ans pour que la première salle de shoot ouvre en France. Ce sera vendredi à Paris. C'est une salle installée dans un hôpital, mais avec un accès direct à la rue. Cette salle permet aux toxicomanes d'utiliser des seringues neuves, d'avoir accès à une assistante sociale, d'éviter l'overdose et de faire un premier pas vers la réinsertion. L'idée est de ne pas devoir se shooter en rue aussi. Alors, ça ouvre vendredi. Mais donc, qu'est-ce qui est prévu pour l'inauguration, je me demande. Bah oui. Et là, qu'est-ce que t'as là ? J'ai des pyramides, des Bart Simpson, des arlequins, des kangourous. Et t'as pas des kinopanoramas ? Non, finish. Oh putain, c'est con parce que les kinopanoramas, tu vois 180 degrés sur les côtés, c'est d'enfer. Oh, super. Ouais. Alors j'ai des écrevisses. Ah bon ? C'est quoi ? Des écrevisses ? Ouais, mais ça, c'est à donf. Ouais. Tu te fais tout le film en verlan. Fais tomber. Ton te peau là ? Tu veux triper comment ? Hein, quoi ? Qu'est-ce qu'il me dit là ? Non, tu veux un truc qui te fasse quel effet ? Ah bah, je suis pas très en forme, t'as pas un petit truc qui me. Je sais pas, un guronzant. Qu'est-ce qu'il dit là ? Bah, si vous voulez un peu dark, alors si t'avais un trip pas trop smooth, un peu trans, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais, je vois. J'ai ça en stock. Les inconnus dans Les Trois Frères. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que demain, nous recevrons Bernard Campan. C'est bien, produit cette émission. Les salles de shoot, pour l'instant, c'était avec Régis Maillot, oui, donc on en profite. Les salles de shoot, on en entend parler depuis de nombreuses années. 18 ans que le première idée a été lancée et que c'est en chantier. Donc ça y est, on y est, à titre expérimental. Il y en a une qui ouvre à Paris vendredi, une prochaine qui va ouvrir à Strasbourg. Il y en existe déjà 90 dans le monde, avec des résultats tout à fait positif, le taux de mortalité qui diminue, etc. Est-ce que vous vous êtes fait une opinion là-dessus, vous, Régis Maillot ? Est-ce que vous avez eu le temps de vous forger une opinion sur les salles de shoot ? On en parle tellement. Oui, oui. C'est encore ça va être encore un sujet bien clivant, ça, je sens. Ça, ça l'est depuis de nombreuses années. Ça va être pour ou contre. D'un côté, il y avoir les vieux réacs dégueulasses et d'autre côté, les progressistes cool. Je sais pas. Les salles de shoot, ça existe. Tout le monde se shoot. Regardez en ce moment Sarko qui se shoot aux idées de Le Pen. Donc l'idée est d'encadrer les choses. De toute façon, comme la pratique a lieu, autant l'encadrer. Autant de voir et juger sur pièce. C'est vrai que le mot salle de shoot, ça fait un peu pestiféré, quoi. Mmh. Alors, je crois qu'il y a un autre nom, c'est parce qu'il y a des périphrases pour ces salles d'accompagnement, etc. Donc, justement, est-ce que ça lutte pas contre l'exclusion, ça, le fait qu'il y a un lieu où on accueille les gens, où ils peuvent se piquer en toute hygiène, sous la surveillance de quelqu'un. En revanche, j'ai regardé. On peut se piquer à l'intérieur, mais c'est non fumeur. Ah, elle est bonne. Oui, elle est une contradiction. C'est vrai. Mais est-ce que ça, vous disiez, il y aura d'un côté les vieux réacs, etc. C'est vrai qu'il y a un quartier dans le 10e arrondissement de Paris qui ne voulait pas, parce qu'ils veulent pas que les toxicomanes se fixent à cet endroit-là, alors que plutôt que d'avoir des seringues par terre, etc. On mettrait pas à côté du camp de migrants, comme ça les. Oui. Mais c'est dans le même arrondissement, figurez-vous. Moi, je préfère quand c'est dehors, parce que comme ça, peux te balader avec ton enfant en disant, regarde. Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu seras toxicomane, voilà, tout simplement. Mais alors, tiens, est-ce que c'est pas ça une mesure de gauche, alors ? Parce qu'on dit toujours à François Hollande, c'est pas il est de droite, il est de gauche, il fait une politique de droite. C'est une mesure... est-ce que c'est plutôt une mesure locale que... Non, ça a été voté dans la loi oui, santé, oui. Votée en décembre, qui oui, prévoit... Oui, c'est complètement une mesure... Là, ça y est, on en tient une, quoi, oui, une mesure de gauche. C'est vrai, putain, c'est... Putain, mais c'est dingue, voilà, mais il n'y a pas un jingle, mesure de gauche, ici. Mesure de gauche. Voilà. Le jingle de Thomas Bideguin. On ne sait plus où on l'avait mis, le jingle, mesure de gauche. On l'avait caché depuis longtemps. Thomas Bideguin qui a choisi comme baptême indien, sous la suggestion d'André Manoukian, vous avez choisi Sequoia Malin. Oui. Thomas Bideguin. Tout de suite, je l'ai regretté. Ouais, ce qui va me rassurer derrière, c'est à vous, Thomas. Oui, voilà. Oui, c'est à moi. Et je viens à nouveau vous parler de storytelling. C'est ma mission, ma croix, mon petit travail d'aiguille dans cette grande salle de shoot qu'est la maison de la radio. Alors voilà, le sujet du jour, c'est un concept un peu abstrait. Pardon, Alec, mais primordial. C'est la suspension de l'incrédulité. Suspension of disbelief, comme disent les Brexitois. Cette opération mentale, c'est le fait d'accepter de vivre un rêve ou une fiction comme s'il s'agissait de la réalité. C'est accepter de mettre de côté son scepticisme. Voilà, c'est Samuel Coleridge, un écrivain et poète britannique, qui a développé le concept en 1817. C'était l'année de mon bac. Et pour, et pour pas lui. Le premier mariage. Non, ça c'est l'année de mon deuxième mariage. L'année, pardon. Voilà, pour lui, cette suspension consenti de l'incrédulité constitue la base même de la foi poétique. Wow, c'est beau. Et ouais, ça. Les mecs. Parce que la poésie et la fiction, c'est à peu près la même chose. On s'en rend compte quand on écoute Patrick Buisson qui nous raconte que s'il enregistrait tout, c'était uniquement par conscience professionnelle. Voilà, quel poète. Voilà. Et donc, elle est difficile à atteindre, cette suspension de l'incrédulité. C'est une marche, c'est un palier qui nous fait entrer dans la fiction. Ce sont les trois coups qui résonnent au théâtre ou une simple formule comme « il était une fois ». Et tacatam, derrière, on est prêt à croire n'importe quoi. Parfois même, juste un « français et française » suffit. Comme si se formait à un moment dans l'incrédulité que nous entretenons à l'égard des images et des discours, une décision de les accueillir avec confiance. C'est cette suspension de la crédulité qui permet de croire au théâtre que le type qu'on voit sur scène debout sur une caisse à savon, de croire qu'il est en train de commander un navire marchand au plein cœur de la tempête, par exemple. On y croit, et pourtant le spectateur, il ne perd jamais la conscience qu'il est au théâtre. C'est ça la suspension de la crédulité. Et c'est pareil pour les primaires de droite. On ne perd pas la conscience que c'est primaire, on ne perd pas la conscience que c'est de droite. Mais si on suspend sa crédibilité, on peut être amené à penser que la France va si mal par la faute des migrants qui mendient dans la rue avec leurs enfants ou à cause des chômeurs en fin de droit qui profitent du système. Pourtant, on sait bien que si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que quand ça va mal, c'est rarement la faute des plus pauvres ou des plus malheureux. Mais pourtant, on est prêt à y croire. Et pourquoi d'ailleurs on ne ferait pas un référendum sur le regroupement familial ? Sur les 11 000 personnes concernées chaque année par le regroupement familial. Un référendum, ça serait chouette. Votez 1 si vous pensez que monsieur ici présent doit revoir son frère. Et votez 2 si vous pensez qu'on a trop de chômage en France et que c'est dur de sortir du lit le lundi matin. Voilà, on n'aurait même qu'à dire que c'est dans l'esprit du général de Gaulle, tant qu'on y est. Voilà, alors pour que ça fonctionne, pour maintenir la suspension de l'incrédulité, il suffit de maintenir la cohérence interne du récit. Une histoire peut être pleine de phénomènes fantastiques, Frédéric Lefebvre rejoint Alain Juppé par exemple. Quand on lui demande pourquoi ce revirement, Frédéric, il répond... Le Xanax. Beaucoup de Xanax. Oui, il peut se passer plein de trucs fous tant que certaines règles énoncées dans l'histoire elle-même sont respectées. Les personnages morts, par exemple, ne peuvent pas retourner à la vie. Sauf peut-être Bachar el-Assad, qui apparemment s'est trouvé un tas de nouveaux copains. Voilà, la suspension d'incrédulité, c'est merveilleux. C'est ça qui fait tourner le monde. C'est cette petite opération mentale qui nous permet de croire aux jeux vidéo, de croire à la science-fiction, de croire que le lave-linge dure plus longtemps avec Calgon, de croire que les couleurs chantent et les synthétiques sont gays, de croire même à la République. C'est comme ça, on a besoin de croire. La réalité, c'est différent. On n'a pas besoin d'y croire ou de ne pas y croire, la réalité, parce qu'on est dedans. Et ce n'est pas qu'elle se dérobe à nous, c'est nous qui nous dérobons à la réalité, parce que la réalité, trop souvent, elle est intolérable. Alors, on vit sous la protection des fictions. En cette année d'élection, il va falloir en suspendre un bon coup, notre incrédulité. Non, je l'ai mal dit. Il va falloir la suspendre un bon coup, notre incrédulité. Il va falloir que la corde à linge soit bien tendue, croyez-moi, parce qu'on va en bouffer de la fiction et des appels à la haine. Alors que c'est dommage, parce que vous voyez, dans Out of Africa, par exemple, à un moment, Robert Redford, il est sur le point d'embrasser Meryl Streep. Ouais. Là, elle se rétracte un peu. Ouais. Elle le repousse légèrement, ouais. Et puis juste avant de succomber, elle lui glisse dans un murmure, elle lui dit « Vous savez, à partir de maintenant, je vais croire tout ce que vous allez me dire. Oh. » Et là, on comprend tout d'un coup que la suspension de l'incrédulité, elle nous ramasse jamais mieux que quand elle nous parle d'amour. Oh, merci Thomas Bideguin. Oh, les gars. Je suis totalement suspendu quand je vous écoute, ainsi qu'André Manoukian, je m'en rends compte c'est maintenant. Goyaf. J'ai tout compris. Merci Thomas, vous êtes sur France Inter. Et vous pourrez voir les chroniques bien sûr sur franceinter.fr. Bah faut y aller. Bah évidemment. Allez pleurer. Et nous sommes en compagnie de Régis Maillot. Et tiens, la nouvelle façon de faire campagne, Régis Maillot, sachez-le, c'est aussi cette élue parisienne qui monte sur les planches. Ah. Danielle Simonet est une proche de Jean-Luc Mélenchon. Donc déjà, très bonne école pour faire du théâtre. Et depuis jeudi, des voitures d'occasion. Et depuis jeudi, elle joue un texte qu'elle a écrit contre l'ubérisation de la société. Ah. Dans le sens inverse, il est aussi arrivé que ce soit le théâtre qui fasse de la politique, rappelez-vous. La politique étant comme chacun de ces violons dingues de tout Français qui se respecte, nous avons nous aussi, bien sûr, songé à former un nouveau parti. Malheureusement, toutes les étiquettes étaient prises, ou peu s'en faut. Il ne restait qu'une appellation et nous avons sauté dessus à pieds joints car il nous paraissait convenir parfaitement au genre de parti politique que nous avions décidé de fonder, puisque nous l'avons appelé le parti d'Henri. Et le programme? Oui, alors que le programme, pour qu'il soit plus facilement repris en cœur, nous avons décidé de le présenter en musique. Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Oh, parti d'Henri, nous avons pris le parti. Le point de la tête, c'est le parti. Oui, oui, vous l'avez reconnu. Pierre Dac, évidemment. Et Francis Blanche, bien sûr. Alors, ils avaient un slogan, c'était le mou. Au début, ça s'appelait le mou, le parti. Le mouvement ondulatoire unifié. C'est les temps sont durs, vive le mou. Et c'est Danielle Simonet, donc, qui est élue parisienne, qui joue un texte qu'elle a écrit, qu'elle a intitulé « Hubert, les salauds et mes ovaires », où elle aborde donc aussi le sexisme en politique et son expérience à elle. Ça s'appelle une conférence gesticulatoire, une sorte de nouvelle forme de propagande politique, assumée donc puisqu'elle est au théâtre. Oui. Vous trouvez ça amusant, vous, qui faites du théâtre, qui êtes chansonnier, humoriste, la politique qui va sur les planches de façon assumée pour passer son message? Oui, ils le font déjà très bien à la télévision, hein. C'est vrai qu'en ce moment, c'est la concurrence est rude entre Nadine Morano, Roselyne Bachelot, hein, qui remplace Brigitte Lahaye sur RMC. Elle est formidable. Non, mais moi, je trouve ça décrédibilisant, hein, toutes ces personnalités du monde politique qui font... je sais que la politique est un grand spectacle, mais Roselyne Bachelot, j'avais écrit un truc sur elle en disant, oui, elle appartenait à pensionnaire de la classe politique, aujourd'hui reconvertie dans un métier qui ne nécessite pas beaucoup de compétences, la télévision. Elle n'a jamais autant briller. Et c'est un peu vrai, quoi. C'est-à-dire, à force de vouloir faire du spectacle à tout prix, et ben voilà, ils vont... Bon, là, c'est différent. C'est une volonté d'aller sur la scène pour défendre, mais je crois pas que le... Là, c'est un peu moins hypocrite, peut-être. C'est assumé, c'est expliqué. Si elle est drôle, moi, je dis, OK, qu'elle vienne. Oui, mais si le spectacle est bien. Hein. Mais elle prend plus de risques. Après, le truc, c'est elle vend des tickets ou elle vend pas des tickets. Ouais, voilà. Mais Mélenchon était quand même le plus drôle. Quand il fait son stand-up chaque année à la fête de l'UMA, c'est quand même très drôle. Monsieur Pédalo, c'était lui qui avait sorti ça. Ouais, ouais. On ne peut pas lutter. Quoi. Après, il y a aussi un art oratoire dans lequel il excelle par rapport aux autres. Ça, on ne peut pas lui enlever, ça c'est sûr. Voilà, donc Danielle Simonet qui dit par exemple qu'elle évoque notamment la mort d'un chauffeur Uber dans sa voiture quand tous les médias ne s'intéressaient qu'à la dame aux 500 smic sur elle, Kim Kardashian. Donc il y a un message derrière, évidemment, vous l'aurez deviné. Régis Maillot, on a une proposition à vous faire. Oui, honnête. Oh, ouais, totalement. C'est bien, ça c'est la maison qui offre le sketch de fin d'émission. Mais moi je fais rire uniquement quand je suis rémunéré. Hein. Oui, et ben là, c'est vous allez nous le faire cadeau. Là, ça va être le don de soi. Allez, parce que je vais vous donner un rôle que vous n'aurez peut-être plus jamais, le rôle d'Hervé Mariton. Oh, quelle joie. Et je sais, il lui est arrivé un truc à Hervé. Il a été prendre l'avion Paris-Nice. Il avait sa carte de député, pas sa carte d'identité. Sans rien. Et on ne l'a pas laissé passer parce que la fille, elle ne l'a pas reconnu. Alors, on y était, on s'y rend. Charline Vanhoenacker s'occupe du desk. Vous êtes Hervé Mariton. Bonjour monsieur, contrôle de sécurité, puis-je voir vos bagages? Bien sûr. Ah, vous avez beaucoup de costumes, hein? Ouais, bah vous savez hein, ce que c'est, dans ma position, on ne sait jamais sur où on peut tomber. Ban Ki-moon, Barack Obama, le Dalai Lama. Oui, mais voilà, généralement, il y a un cordon de sécurité pour empêcher n'importe qui de les approcher, monsieur. Ah, n'importe qui, vous êtes drôle. Non, ouais, vous avez des liquides, objets métalliques? J'ai 2 €. C'est pour pouvoir aller voter Juppé. Non, mais je n'ai pas à savoir pour qui vous votez. Enfin, oh, comment elle fait mine de pas me reconnaître. Bon, écoutez, carte d'identité, s'il vous plaît. Hein. Oh, c'est très professionnel. Vos papiers. Je suis Hervé Ma. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Hervé Marie. S'il vous plaît. Hervé Mariton. Bon, est-ce que je peux avoir votre pièce d'identité? Hervé Mariton, c'est moi. Mariton, quoi, le chanteur? Non, le baryton. Moi, c'est Mariton, la surprise de la présidentielle. Quoi, en 2017? Bon, l'ex-surprise de la présidentielle. Bon, écoutez, vous n'allez pas pouvoir décoller, là. Hein. Ça m'est déjà arrivé dans les sondages. Bon, est-ce qu'on pourrait avancer, là? Oui, alors, vous voyez, monsieur Matignon, là, parce que tout le monde attend, là. Mariton. Notez que Matignon, ça me va bien. Bon, c'est à moi, là. Merci de me laisser passer. Oui, alors, carte d'identité, s'il vous plaît. Bon, vous êtes très professionnel. Oui, bah, vos papiers. Non, mais enfin, je suis Jean-Frédéric. Oui, alors, pièce d'identité, s'il vous plaît. Mais je suis Jean-Frédéric Poisson. S'il vous plaît. Mais Jean-Frédéric Poisson, c'est moi. Oui, bah, vous me faites peu. J'en perds le. Hein, bon. Oui, moi aussi, je perds mon temps, oui, moi aussi. Voilà, oui. Oh, je vous avais pas vu, monsieur Lefebvre. Mais ils sont pénibles, tous ces gens. Mais écoutez, je vous en prie, monsieur Lefebvre, passez. Merci. Ouais. Bah, quoi, vous l'avez pas reconnu? Mais vous? Mais comment vous l'avez reconnu? Vous connaissez rien en politique? Ah, mais c'est parce que hier il est venu et il avait pas sa carte d'identité, alors on a sympathisé. Voilà. Ah. Allez, à demain.